Donc, on est présentement avec Perrette Subtil, directrice générale du MUMAC, Musée des métiers d'art du Québec. Salut Perrette. Bonjour, merci Gabriel de l'invitation. Ouais, ça fait plaisir. J'ai fait aussi comme une belle visite l'autre jour. C'est un très beau musée. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi l'exposition qu'il y a présentement au musée? Alors, présentement, ce qu'on ouvre en ce moment, en fait, c'est l'exposition permanente du Musée des métiers d'art du Québec, du MUMAC, qui se nomme « Objet témoin, une histoire des métiers d'art du Québec ». Donc, pour faire court, une expo permanente pour un musée, c'est l'ADN qu'elle présente au public. On renouvelle son exposition permanente, grosso modo, tous les 10-15 ans. Donc, tu vois que c'est un exercice qui est important pour un musée, fondamental et qui nous permet de montrer au public où en sont nos connaissances scientifiques, nos connaissances à jour. Donc, c'est un exercice fondamental. Et cette exposition-là, ça fait un certain temps qu'elle est en développement. Exactement. Objet témoin, cette expo permanente, comme tu t'en doutes, on ne fait pas ça en criant ciseaux. Elle se travaille dans l'équipe depuis bientôt 4 ans. En fait, les premières demandes de subvention, tu vois, ont été envoyées en 2016. On a eu des réponses en 2017 et l'équipe a commencé vraiment à travailler depuis ce temps-là, donc en 2017. Donc, depuis toutes ces années, effectivement, il a fallu mettre sur place et mettre sur pied différents comités de travail, différentes équipes et puis effectivement aller chercher les bonnes expertises pour pouvoir travailler ce scénario et travailler et faire une sélection dans les objets de la collection puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit. Une exposition permanente pour un musée, c'est la présentation de sa collection permanente. Donc, plusieurs années de travail. Je ne te cache pas que dans les dernières années, on a eu beaucoup de défis à relever. Également, c'est un projet qui a connu deux grandes phases, je dirais. C'est normal parce qu'entre-temps, effectivement, la direction du musée a changé. Mon prédécesseur, Pierre Wilson, qui était à la direction du musée des maîtres et artisans, parce qu'à l'époque, le musée s'appelait comme ça, depuis une quinzaine d'années, est parti à la retraite en 2018, après avoir eu l'approbation du financement du ministère de la Culture. On a reçu une subvention de 300 000 $ pour ce projet-là. Et entre-temps, évidemment, moi, j'arrive à la direction du musée et forcément, avec mes nouvelles lunettes, je regarde le projet différemment et du coup on a effectivement fait beaucoup de modifications entre le projet initial et le projet qu'on a en salle présentement. Donc je dirais que ce qu'on a en salle pour aujourd'hui, c'est un projet 2.0. Donc, qui présente non plus les métiers d'art sur un plan, par matériaux, comme c'était le projet initial, mais un projet historique, avec un scénario historique. Et c'est ça la grande nouveauté, en fait, de cette expo permanente, c'est que Objet témoin porte pour la première fois un regard plus linéaire depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. Sur l'histoire de l'artisanat et des métiers d'art contemporains, si je retourne dans l'histoire au Québec. Donc, c'est vraiment ça, cette exposition. C'est faire le lien entre notre collection et un scénario que nous, finalement, on a souhaité développer. Alors, pourquoi historique? Ça n'a rien de révolutionnaire. Néanmoins, parce que ça n'avait pas encore été fait jusqu'à présent. Il n'y avait personne qui avait réellement pris le temps de travailler sur cette historique. Alors, il y a eu des études au fil du temps. Le gouvernement a fait des études internes pour soutenir le développement des métiers d'art. Mais je dirais qu'en termes d'histoire de l'art, il n'y avait pas encore eu ce regard. C'est assez nouveau. Il y a des gens qui ont travaillé sur l'art ancien. Il y a, depuis les années 50, eu beaucoup d'intérêt au Québec sur cette antiquomanie, ces objets à la fois apportés dans la Nouvelle-France jusqu'aux objets, je dirais, des années 50, et d'autres personnes qui ont travaillé d'une façon plus ponctuelle sur le verre soufflé, sur la dentelle, la ceinture fléchée, mais ce grand regard linéaire, c'est ça qui est nouveau et qui fait la grande force du projet. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi l'exposition et de quoi qu'elle parle en détail? Alors, l'exposition, comme je te disais, elle fait donc la présentation de cette histoire de, on va dire, de l'artisanat, parce qu'on n'appelait pas ça à l'époque les métiers d'art. Donc, comme je disais, depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui, on appelle ça les métiers d'art. Contemporain, mais ça, cette notion d'artisanat est inclue aussi, et je vais en reparler un petit peu plus tard, dans la portion sur les métiers d'art. Elle est importante. Donc, ce scénario historique, pourquoi la Nouvelle-France? Bien évidemment, les peuples premiers qui étaient, avant la période de contact, qui étaient sur le territoire, maîtrisaient des techniques artisanales, bien sûr, la céramique, le textile, le travail du bois. Bien évidemment. Néanmoins, notre collection au musée des maîtres et artisans à l'époque et maintenant au MUMAC ne pouvait pas en témoigner. Il y a d'autres musées archéologiques ou plus historiques qui le font très très bien. Donc nous, on a commencé à cette période de contact, donc autour du XVIe siècle, pour se rendre jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la portion définition temporelle. Qu'est-ce que le visiteur va voir? Grosso modo, il va se promener dans des allées, en fait, autour de sept îlots, je dirais, qui représentent ces sept périodes historiques. En fait, il y a une période, il y a un îlot qui représente deux périodes au niveau de la période moderne des années 20 à 1960. Mais grosso modo, sept îlots dans lesquels le visiteur va être amené à déambuler et pouvoir appréhender alors plusieurs sous-thématiques hein, qui vont concerner justement la transmission du savoir-faire artisanal de père en fils, de maître à artisan, quels sont les grands ateliers, quels sont les grands métiers également, hein, et puis qui ont été donc ces grandes personnalités, quelles étaient leurs principales clientèles, on va le voir avec le rôle de l'Église. Il y a un aspect particulier de cette exposition-là, c'est la scénographie. Tu en as parlé à quelques reprises déjà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette manière-là de présenter l'exposition? Alors, la scénographie, en fait, c'était un des deux enjeux principaux. Bon, évidemment, c'était de présenter la collection selon un scénario. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Néanmoins, un des gros points que je trouvais, et le CA a été d'accord avec moi, qui était un petit peu manquant dans le premier projet, c'était la relation au bâtiment. On est dans un bâtiment qui a une histoire exceptionnelle. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais cette scénographie me paraissait fondamentale et une belle opportunité en fait pour mettre en valeur ce bâtiment et du coup comme on a modifié le projet et pris le temps d'avoir un nouveau comité de travail etc. et d'avoir surtout un nouveau budget hein, on s'est doté pour ce projet 2.0 d'un budget doublé, on est passé de 300 000 à 750 000 dollars dans le projet. On est allé chercher du financement supplémentaire et de la fondation du musée et de PME Montréal Centre-Ouest qui, dans le cadre PME Montréal, nous a subventionné pour faire une mise en lumière du bâtiment. Donc ça, c'est un des éléments qui est vraiment important, c'est qu'on a pu procéder à une mise en lumière des éléments architecturaux distinctifs. On reviendra sur l'histoire de l'église, mais vraiment pour mettre en lumière les voûtes, les anges sculptés, les éléments. Pour le coup, c'est plutôt des éléments, je dirais, du culte catholique romain qu'on a souligné, puisque le culte protestant était un peu plus discret, on va dire, en termes de décoration architecturale. Mais c'est ça, les voûtes, les orgues qui sont ajoutés, le chemin de croix, les anges sculptés, etc., les confessionnaux à l'entrée qu'on ne voyait pas vraiment. Et puis, donc, tout ça a été souligné par de la mise en lumière. Les créateurs ont été la compagnie XYZ Technologies Culturelles qui a travaillé avec nous sur ce projet. Également, la scénographie, on a fait appel à un scénographe qui travaille dans le milieu de la muséologie, qui s'appelle Laurent-Michel Tremblay. Et Laurent-Michel et son équipe ont travaillé avec nous, et nous ont fait des propositions artistiques qui ont été tout de suite bien reçues. Et on a travaillé sur deux grands concepts essentiellement. Premièrement, la symétrie et deuxièmement, la lumière. Donc, c'est ce qu'on retrouve en salle, le visiteur, quand il va venir dans l'église. réalise, il va le voir tout de suite. On est vraiment dans une scénographie qui permet d'appréhender, je dirais, l'allée centrale qui était majeure, puisque à l'époque c'était une église et les bancs d'église se répartissaient le long, à droite et à gauche de cette allée centrale, et on avait une vue comme ça plongeante vers le chœur et vers les vitraux hein, qui sont magnifiques. Donc le regard est vraiment porté vers l'avant et vers les vitraux. Donc ça nous paraissait important de ne pas tomber sur des murs en arrivant et de pouvoir dégager le regard. Donc cette scénographie souligne ces éléments-là. Également la mise en lumière, donc oui, mise en lumière de l'architecture, mais c'était important de faire une belle mise en lumière de la collection. Et le scénographe nous a aidés justement à ce que les deux se parlent, les deux valsent ensemble, et le bâtiment et la collection. On ne voulait pas que l'un écrase l'autre non plus. Donc on a fait comme ça tout un travail avec les créateurs de la mise en lumière pour que la scénographie intègre la collection, donc dans des équipements muséologiques qui sont comme ça justement. On a des grandes stèles lumineuses qui font des rappels visuels tout au long donc de l'allée centrale et qui sont de mon point de vue assez réussies. Ouais, c'est assez beau quand on rentre en fait. C'est un bon choix de couleurs et surtout de lumière, et c'est bien organisé. Ben merci beaucoup, je suis contente que tu le soulignes, le mentionnes. C'est certain que c'est pas anodin, hein, la scénographie dans une exposition permanente. On est dans un lieu qui est exceptionnel, qui a vraiment des volumes et une hauteur exceptionnelle. On n'est pas du tout situé dans une boîte blanche, donc ça fait partie des forces du projet. Donc il fallait axer là-dessus. Donc c'est certain que de nier ce bâtiment et de vouloir cacher les éléments architecturaux, c'était sans doute une erreur, ou en tout cas pas une bonne chose. Donc là, de pouvoir s'appuyer là-dessus et ensuite d'amener le visiteur à regarder la collection et à regarder les objets différemment, ça c'est intéressant. Mais les artisans, ils sont aussi au-dessus de la tête du visiteur. Ils sont, quand on lève le nez, les artisans sont vraiment dans les anges sculptés, les anges de bois, on dirait des proues de bateau. C'est exceptionnel pour l'époque. Donc il faut vraiment être amené à le voir. Et c'est le rôle de la scénographie, effectivement. Je parlais l'autre jour avec Laurent Michel, il me disait, moi, si la scénographie s'efface, c'est réussi. Elle s'efface, les murs sont blancs d'une certaine couleur, etc. Mais en même temps, elle valorise la collection. Donc c'est ça, je pense, qui est... Et elle souligne le parcours du visiteur. Donc ça, c'est intéressant, et tant mieux si c'est réussi. Tu l'as mentionné plusieurs fois, l'immeuble dans lequel l'exposition prend place est quelque chose de spécial. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi qui fait que c'est si exceptionnel que ça? Alors effectivement, l'immeuble dans lequel le MUMAC se trouve est un bâtiment qui a toute une histoire et qu'il faut prendre le temps effectivement de comprendre et de raconter. Donc c'est un bâtiment à la base qui était situé dans le centre-ville de Montréal. C'est un bâtiment qui date de 1867, donc néo-gothique, et qui appartenait à la communauté presbytérienne Saint Andrew Saint Paul, qui l'utilisait pour sa propre communauté, donc anglophone et d'origine irlandaise. Cette communauté l'utilise jusque dans les années 30, où donc elle était située sur l'ancien boulevard Dorchester, à l'angle de la rue Sainte-Monique, je crois, donc au plein centre-ville. En 1929, le train arrive en ville, le Canadien National donc veut faire arriver le train jusqu'au centre-ville. Et là, il prévoit donc la construction de la gare Bonaventure, et cette église qui est toute proche, il faut donc la déplacer. Alors la communauté, elle, je pense, avait dans ses plans de tout simplement la détruire et puis d'aller rebâtir un autre bâtiment plus loin. Donc ça, c'est une chose. À côté de ça, à Saint-Laurent, donc dans l'arrondissement dans lequel on se trouve, donc plus au nord de la ville, on avait les Pères de Sainte-Croix, donc le Collège de Sainte-Croix, qui avait donc ses propres bâtiments, et avait à l'époque une petite chapelle qui s'avérait trop petite pour les besoins des Pères de Sainte-Croix. Donc eux, ayant un contact auprès des presbytériens, ont négocié cette église en fait, et ont réussi à l'acquérir produire pour $1 symbolique. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est cet achat, dans le fond, ce don, ce legs de la communauté au Père de Sainte-Croix. Donc en quelques mois, en 1930, on va démonter pierre par pierre ce bâtiment. L'architecte Lucien Parent, qui est en charge du projet, va mener donc tout ce projet-là. Et il va le faire de main de maître, j'allais dire, parce que donc on va déménager ces éléments d'architecture et les remonter. Alors tout est transporté, il y a quelques éléments d'archives qui en témoignent, on a encore quelques gravures qui montrent, et quelques photographies à l'époque, effectivement la photo était déjà là, qui montrent le transport de cette église sur le par train jusqu'au nord de la ville, et puis le remontage de cette église dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Alors en 1930, on connaît le béton, est déjà arrivé, donc c'est ça qui est étonnant, c'est que Lucien Parent va faire remonter cette église, mais pas complètement à l'identique, il va faire quelques modifications. Alors d'une part, des modifications, parce que les Pères de Sainte-Croix donc sont catholiques, donc le culte catholique romain, et du coup qu'il faut un peu modifier un peu l'église. Donc on va agrandir le chœur, notamment. On va justement faire le jubé qui n'existait pas. On va y rajouter des éléments décoratifs distincts. Donc, je parlais tout à l'heure, le chemin de croix, les confessionnaux qui n'existaient pas dans l'église d'origine. Également, on en profite en 1930 lors de sa reconstruction pour surélever l'église. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que sous les pieds du musée, il y a ce qu'on appelle maintenant la salle Émile Legault. Les étudiants qui connaissent, qui sont passés au cégep de Saint-Laurent connaissent sans doute ce lieu-là. C'est une salle de spectacle à l'époque qui comprenait 825 places à l'italienne, mais qui a été rénovée au fil du temps et maintenant qui est une salle qui peut accueillir à peu près 400 personnes. C'est cette salle Émile Legault va également servir donc à Émile Legault pour la création. Elle va être très utilisée par les Compagnons de Saint-Laurent, le groupe de théâtre qui l'a fondé, et comme salle de création et comme salle de théâtre. Donc vous voyez deux lieux culturels avec une vraie histoire située l'un au-dessus de l'autre et dans un bâtiment qui a vraiment une histoire fascinante. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église actuelle dans laquelle le musée se trouve, donc qui appartient maintenant au cégep de Saint-Laurent, est remonté sur une structure de béton que les éléments décoratifs qui étaient à l'époque des éléments structurels comme les voûtes, etc., et les éléments en bois, les anges sculptés, sont maintenant uniquement décoratifs, mais qu'ils ont été remis par l'architecte Lucien Parent pour justement garder ce souvenir d'église presbytérienne. Alors je prends un peu de temps, je m'excuse là-dessus, mais c'est important. Un dernier point sur les vitraux de l'église, parce que, évidemment, des vitraux dans une église, c'est fondamental. Les vitraux d'origine de l'église qui était au centre-ville n'ont pas été déménagés avec l'église comme telle. La communauté a souhaité les garder et a fait reconstruire une nouvelle église qui se trouve maintenant à côté du Musée des Beaux-Arts de Montréal, dans la nouvelle église Saint-Andrew-Saint-Paul, donc qui a été construite pour après 1930 pour héberger ces vitraux-là. Et les vitraux qui se trouvent dans l'église de Saint-Laurent, donc, ont été, eux, construits et faits et commandés à l'époque à des artisans pour, en fait, j'allais dire, fitter, pour être intégrés dans la nouvelle église des Pères de Sainte-Croix. Et on a fait appel à ce moment-là à des artisans européens, à deux artisans français, Pérusse et Chigaud, qui étaient des maîtres verriers reconnus dans leur domaine et qui ont créé des scènes tirées de la ville religieuse Sainte-Marguerite-Marie à la coque dans le cœur, et puis des scènes religieuses de la vie de Jésus de l'autre côté. Donc, vous voyez toute une histoire vraiment fascinante de ce bâtiment. Ouais, et je pense que ça a été quand même aussi assez un exploit parce qu'ils ont déménagé l'église en très peu de temps. Oui, je pense que, écoute, ça a pris quelques mois, je pense 2 mois pour la démonter et quelques mois. Et je me souviens plus du nombre de semaines exactes, mais de mémoire, en 1931, on inaugurait la première messe. Il y a eu une pierre qui a été donc on a célébré la première messe à l'automne 1931. Donc c'est vraiment impressionnant quand même pour moi européenne. Ça c'est quelque chose d'étonnant que nous on connaît pas, on restaure en Europe les églises, etc. Mais les déplacer comme ça, c'est quelque chose que moi j'avais jamais vu, effectivement. Ouais, c'est ça. En Europe, on est habitué qu'il y a des églises que ça prend 400 ans à construire, des cathédrales. Il y en a qui sont encore en construction présentement. Mais là, ici, c'est comme le défi, c'était pas nécessairement d'en construire une, mais de la déplacer et de comme changer comme ses bases architecturales. Écoutez, les églises néo-gothiques sont faites pour être portées d'une telle manière où, si je me trompe pas, l'intérieur est plus vide, c'est plus grand, c'est plus vaste à l'intérieur. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. C'est certain que donc cette architecture qui était donc comme tu dis néo-gothique, le courant gothique hein, qui a servi dans le mouvement en architecture, qui a fait suite à l'architecture romane, qui donc a marqué une grande avancée sur le plan technologique. L'architecture gothique a permis effectivement de surélever et d'agrandir les espaces les espaces centraux parce que justement on était capable grâce à l'invention de la voûte et de la voûte j'allais dire en ogive c'est ça qui est important et qui distingue l'architecture gothique de l'architecture romane donc cette voûte en ogive donc brisée hein, comme ça pour ceux qui voient sur le de pouvoir répartir les forces qui sont et le poids de ces voûtes de pierre de ces pierres qui sont de les répartir tout au long et de les amener à descendre vers le sol. Il va y avoir l'arrivée des contreforts, donc ça c'est vraiment ce qui marque l'architecture gothique. Dans ce cas-ci, on est dans ce qu'on appelle effectivement du néo-gothique, mais on n'est pas dans de l'architecture pleinement de pierre. Les voûtes sont en bois, donc c'est plus léger. Néanmoins, on utilise cette ogive, cet arc brisé pour rappeler en fait ce style gothique qui permet d'avoir un espace gigantesque au-dessus de la tête. C'est très très grand. J'ai pas calculé le volume de l'église, mais c'est quand même un volume intéressant. Ouais, puis c'est très beau quand on le voit de l'intérieur, tout le plafond illuminé par justement cette scénographie-là et les anges qui sont là. J'ai quelques photos sur la page Facebook d'Epistemia, si vous voulez aller voir. Et tout ça s'inscrit dans un genre de renouvellement du musée. Oui, tout à fait. Le renouvellement du musée, si tu veux qu'on en discute, effectivement, le musée a subi et est en train de subir de grands changements. Alors, sur le plan physique, on le voit avec l'arrivée de cette nouvelle présentation, de cette nouvelle exposition permanente. Mais comme j'en discutais tout à l'heure, comme je te le disais, comme institution, on a beaucoup évolué dans les 3 dernières années. Parce que je dirais qu'on trouvait que notre notoriété était un peu, peut-être un petit peu sous-évaluée, j'allais dire. Le musée jouait son rôle de présentation, de transfert de connaissances et puis de valorisation des artistes et des artisans. Néanmoins, on trouvait que pas assez de gens en profitaient. On est situé à Saint-Laurent, donc on n'est pas au centre-ville de Montréal. Donc un des défis, c'est justement de faire venir les gens. Donc ce qu'on a voulu dans les dernières années, c'était pouvoir travailler sur cette désirabilité du musée, faire en sorte que les gens viennent à Saint-Laurent en sachant un peu ce qu'ils allaient trouver et viennent de plein gré et aient le désir et vraiment la volonté de se rendre là parce que c'est important. Saint-Laurent, c'est pas loin et c'est loin, ça dépend, tout est relatif. Mais selon moi, c'est très accessible si on veut s'y rendre. Le métro est là, il y a un stationnement, il y a des stations de Bixi, on peut se rendre en vélo, il y a une piste cyclable, donc c'est vraiment quand même très proche si on a le désir de s'y rendre. Donc ce musée, il a effectivement changé de dénomination, Musée des maîtres et artisans du Québec. On trouvait que c'était peut-être pas assez clair, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que les gens pourraient trouver chez nous. Et puis l'autre aspect, c'est que c'était un peu trop masculin. Il y a beaucoup d'artisanes dans le milieu de femmes. Et moi, comme femme gestionnaire, ça me paraissait important aussi de dire, bon, bah, peut-être trouver un terme un peu plus neutre, à tout le moins plus inclusif, qui puisse refléter la réalité actuelle. Donc on a eu tout plein d'essais, hein, de discussions, de brainstorm à l'interne et puis avec les gens qui étaient les plus proches de nous pour travailler sur cette dénomination dans les dernières années. On voulait éclaircir également le mandat. Donc finalement, ça a été assez unanime et ça a été une décision stratégique du conseil d'administration à un moment donné de se brancher sur Musée des métiers d'art du Québec qui reflétait selon nous à la fois bien l'aspect inclusif et puis qui permettait d'éclaircir la mission. Donc ça, on a fait ça en 2019. La nouvelle dénomination est sortie en 2020. Néanmoins, on a gardé cet acronyme MUMAC qui nous paraissait être sur le plan marketing assez intéressant. On voulait également se dégager sur de la Maison des métiers d'art de Québec qui s'était déjà installée sur les réseaux sociaux avec un acronyme MMAQ. Et du coup, nous, on avait besoin de dire, OK, comment sont distingués? Donc, MUMAC, c'est vraiment le terme qu'on utilise pour définir le musée maintenant, Musée des métiers d'art du Québec. Et on a travaillé pour une nouvelle identité sur effectivement cet acronyme. Donc, notre identité visuelle maintenant, c'est vraiment le logo qu'on va retrouver et on a décliné toute cette identité-là, je dirais, entre l'année dernière et c'est sorti dans les derniers mois. Donc, vous voyez beaucoup de travail. L'ambition de tout ça, c'est de dire, OK, cette image rafraîchie et plus claire va nous permettre, on l'espère, de rejoindre davantage de gens et davantage d'amateurs de patrimoine, de culture, de métiers d'art, bien sûr, mais pas que de gens qui sont tout simplement intéressés à une expérience culturelle intéressante et qui vont souhaiter venir nous retrouver. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est un guess, on ne le sait pas encore, on va voir ce que ça va donner en termes de fréquentation, en termes de développement, de partenariat. Hein. Il y a beaucoup de critères qui vont nous permettre d'évaluer si le projet est une réussite, mais c'est vraiment l'objectif de dire, OK, soyons plus clairs et puis rafraîchissons un peu l'image. On espère que différents partenaires viendront nous aider et nous soutenir maintenant que ce travail est fait pour les prochaines années. Juste une petite question pour préciser, je ne l'ai pas mentionné dans mes publications Facebook, mais pour l'instant, je pense qu'il faut prendre des réservations pour y aller. Oui, ben, en fait, tu sais, la situation sanitaire a changé, a bouleversé. Quand on a commencé le projet, à tout le moins, quand moi j'ai commencé le projet 2.0, on avait un nouveau site web qu'on planifiait, qui était un site web sans réservation, sans paiement en ligne. L'ancien système devait nous accompagner encore avec cette caisse enregistreuse à l'entrée. La pandémie a changé beaucoup, beaucoup de choses. On a travaillé le projet pour qu'on puisse juguler, je dirais, la jauge en salle. Donc oui, présentement, il faut, je dirais, prendre ses réservations, réserver sa plage horaire. Les autres musées, c'est exactement comme nous. Si on se rend au musée des Beaux-Arts sans réserver, vous n'aurez pas de place. Il faut prendre la peine d'aller en ligne sur le site web chez nous, mumac.com, pour réserver sa plage horaire. Le paiement se fera néanmoins une fois sur place, mais à tout le moins pour booker, j'allais dire, sa plage horaire pour une à 20 personnes, si vous voulez, en même temps. Et pour que nous, comme ça, on puisse juguler la jauge. Présentement, on est limité, je pense, à une jauge de 40 personnes par heure en salle, mais le musée est quand même grand, voilà. Alors, si la situation sanitaire évolue, peut-être que ces choses-là pourront tranquillement être évacuées. Mais pour l'instant, vraiment, c'est obligatoire de s'enregistrer en ligne, de donner ses coordonnées pour qu'on puisse, si jamais il y avait quelque chose, et puis des fermetures aussi, vous prévenir, donc soit nous laisser un courriel ou un téléphone pour vous rejoindre, mais surtout pour réserver sa plage horaire. Ouais, on comprend bien que la pandémie a affecté à peu près tout ce qui se passe. On espère que ça va se résoudre bientôt, mais c'est une discussion qui dépasse le mandat qu'on s'est donné aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais je te dirais que les musées ont été fermés. Oui, ça a été, écoute, ça a été très étonnant, si on peut prendre une minute pour parler de ça. L'année dernière, il y a eu effectivement ces deux vagues de fermeture. On n'a pas échappé, et le projet en a souffert aussi, hein. On devait réouvrir en 2020, on n'a pas pu le faire. On a eu plusieurs enjeux. L'équipe de technique a dû effectivement s'arrêter lors de la première vague au printemps. Ensuite, il a fallu remonter l'été quand on a pu réouvrir à partir du mois de mai. Nos fournisseurs ont été occupés à produire des plexiglas pour les gens coutus. Et nous, on attendait nos vitrines. En tout cas, il y a eu toutes sortes comme ça. À l'automne, il a fallu refermer. Néanmoins, l'équipe technique a pu continuer d'avancer, mais notre équipe de travailleurs culturels a travaillé à distance. Donc, Tout ça, effectivement, nous a causé, je dirais, un beau casse-tête. Je suis très contente qu'on s'en sorte et puis qu'on puisse réouvrir vraiment malgré le retard. Et puis, je pense qu'il valait mieux prendre le temps de bien faire les choses. Et puis, je crois que le public va tranquillement se réhabituer à revenir en salle. Il faut porter un masque, il faut se laver les mains à l'entrée et il faut réserver en ligne. Je pense que c'est pas grand-chose comparativement au plaisir qu'on a de se déplacer et d'être confronté à un propos intéressant qui va nous changer les idées. On le sait, hein, l'art a vraiment un rôle anti-anxiogène. Donc, moi, je suis très heureuse qu'on puisse accueillir les gens en salle. On parlait, tout au courant de la pandémie, on parlait des problèmes d'approvisionnement. Jamais j'aurais pensé que le plexiglas aurait affecté les musées. Moi non plus, tu vois, ça fait partie des éléments qu'on a découverts en cours de route. Certains fournisseurs, effectivement, notre fournisseur principal de vitrine, Montréal Display, pour ne pas le nommer, a répondu à des commandes et tant mieux, et c'était urgent, et c'est ça qu'il fallait faire. Et évidemment, on n'avait aucune priorité là-dessus, donc c'est bien qu'on ait pu quand même patienter. Entre-temps, on n'a pas rien fait, on a fait autre chose, on a travaillé les autres aspects du projet. L'équipe technique s'est concentrée sur d'autres éléments, mais tout ça, effectivement, mis l'un dans l'autre, je t'avoue que c'était un beau casse-tête, sans parler de la programmation qu'il a fallu décaler 20 fois, parce que chaque fois, ça rallongeait, etc., etc. Et voilà, et les artistes ont fait preuve de beaucoup de résilience aussi, ceux qui étaient prévus dans notre programme et qui ont dû être décalés de plusieurs mois pour certains. On commence à voir la lumière au bout du tunnel. Juste une petite parenthèse, je regardais tantôt le quartier, parce que je suis allé voir juste sur Google Maps Street View. Je regardais autour parce que je connais quelqu'un qui a habité dans un logement autour, comme juste en face du musée. Pas les résidences, mais un logement. Je suis allé voir, puis il y a des vieilles maisons juste là, comme il y a comme un petit 3-4 coins de rue que c'est plein de maisons qui doivent avoir comme au moins 80 ans, juste là, puis tu sais, c'est aménagé comme à côté d'un viaduc, comme tu sais, il y a un train qui passe, il y a comme l'église qui a été comme changée de place, il y a des condos qui sont juste à côté, fait qu'il y a comme vraiment c'est un endroit fertile pour réfléchir à ce genre de problématiques là. Oui, je pense. tout à fait. T'as tout à fait raison. Et le quartier que tu cites, moi, j'aime beaucoup et je me sens privilégiée quand je viens en bus. Pour ma part, je reste dans Villeray-Saint-Michel par Caix et je prends en fait la 460 sur Crémazie quand je veux venir en bus. Et je descends effectivement au métro du collège. Et me rendre à pied du métro du collège au cégep de Saint-Laurent et au musée, on traverse ce quartier dont tu parles. J'adore ce moment. Là, parce que il y a effectivement ce rapport à cette architecture historique, ce côté patrimonial. Et là, on est effectivement dans le vieux Saint-Laurent. Alors, au musée, on a mis sur pied une visite le vieux Saint-Laurent autrement, et on propose des parcours pédestres aussi. On l'avait mis sur pied l'année précédente, la pandémie. Donc, pendant la pandémie, ça nous a permis aussi d'offrir un peu un contenu extérieur, hein, puisqu'on pouvait pas être à l'intérieur. Mais je me sens privilégiée, et c'est ce que j'aime. Ce quartier à échelle humaine, c'est une notion maintenant que les gens commencent à bien intégrer, hein, sur le plan politique également. Mais il y a vraiment, c'est une vraie réalité. C'est des quartiers qu'il faut protéger parce que c'est vrai qu'avec cette pression immobilière, si on n'y prend pas garde, ces maisons-là vont disparaître. Ça va effectivement, on va voir pousser des immeubles. Alors, ils pourraient être intéressants, mais malheureusement, ils ne le sont pas toujours. Donc, quand on est à la tête d'une municipalité comme Saint-Laurent, c'est certain qu'il y a de la pression immobilière, hein, les condos, c'est des taxes qui arrivent, etc. Il faut, je comprends très très bien ces enjeux-là. Néanmoins, moi, mon rôle, c'est effectivement de souligner la valeur patrimoniale et de dire que de garder ces quartiers-là, c'est aussi une destination touristique, c'est aussi de la valeur foncière qu'on conserve. Donc, s'il vous plaît, protégez et faites attention aux belles choses. Au Québec, l'histoire n'est pas très ancienne, mais elle est présente. Donc, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse à tout le moins conserver ce qu'on a d'intéressant. Je suis content de l'avoir mentionné parce que je savais pas que le musée offrait des marches de visite dans le quartier pour présenter ça. Je pense que je vais en profiter cet été. Je pourrais t'envoyer l'information. Je vais regarder avec mon équipe pédagogique. Là, on vient de sortir une nouvelle application qu'on peut télécharger sur Android et sur Apple, qui est au nom du musée MUMAC. Vous allez trouver le contenu présentement de ce qui est en salle, c'est-à-dire de notre expo permanente, Objets témoins, une histoire des métiers d'art du Québec. Mais la prochaine étape, ça va être effectivement de remettre sur cette même application la visite pédestre du vieux Saint-Laurent, et puis également d'offrir au public. Alors, je pense que si vous allez sur notre page web mumac.com, vous pourrez voir cette visite architecturale qui est offerte. Vous pouvez communiquer avec l'équipe éducative et puis poser les questions si c'est pas mentionné, les dates exactes, à tout le moins savoir quand ça le sera. Je vous avoue qu'avec tout le rush qu'on a eu de la réouverture, je me souviens plus si on l'offre déjà actuellement, mais c'est sûr qu'on va l'offrir dès les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des objets, des métiers d'art particulièrement intéressants? Ben, je ne vais pas poser la question de même. Y a-t-il des choses intéressantes dans ton musée? Non, ça, c'est pas une bonne Il n'y a question. rien d'intéressant, puis venez surtout pas les voir. Non, je fais des blagues. Ben, c'est sûr que c'est fascinant, hein. Il y a plein d'objets, chaque objet, en fait. Et c'est ça qu'on a voulu dire, en fait. Et le week-end dernier, une des personnalités qui nous a rendu visite, qui est Jacques Desrochers, le conservateur du musée des Beaux-Arts de Montréal, me disait: ah, mais finalement, vous avez pris une approche assez musée de la civilisation. Et finalement, c'est peut-être ça, effectivement. On n'a pas mis l'objet purement présenté sans information autour. On aurait pu le faire. C'est sûr que les musées de beaux-arts ont toujours un discours en arrière qui est solide, etc. Mais c'est vraiment, voilà. Mais nous, on a voulu, et c'est ça peut-être qu'on retrouve dans un musée de civilisation, on a voulu voulu inscrire les objets présentés, ces objets issus de l'artisanat ou des métiers d'art plus modernes et contemporains, les inscrire dans un discours. L'objet, pour moi, n'était pas l'objet pour l'objet, mais le reflet d'une société, le reflet d'un mouvement, le reflet d'un savoir-faire qui, lui, a été importé, transmis, etc. Et c'est ça qu'on a voulu dire. Donc, c'est pour ça que cette expo s'appelle Objet témoin, une histoire des métiers d'art du Québec. Et on a voulu fournir aux visiteurs donc cet emballage, hein, j'allais dire, historique. Parce qu'on le voit, évidemment, autant dans un, je dirais, un meuble qui date du 18e siècle, il est fabriqué comment? On a une très très belle commode à arbalète, par exemple, qui est faite par des ébénistes ici, mais cette commode à arbalète, c'est quoi son histoire? Comment les artisans pouvaient la concevoir à l'époque de la Nouvelle-France? Et c'est ça qui est fascinant. Donc, ce qu'on raconte, par exemple, c'est que les styles à l'époque de la colonie, les styles venaient d'Europe, on était influencés par la cour, donc ces styles Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ils vont arriver dans la colonie avec un certain décalage temporel et on va les adapter. Donc, au début, les meubles arrivent de façon fabriquée dans les manufactures européennes. Ils vont être exposé chez le Seigneur et l'ébéniste éventuellement va être en contact avec lui et ensuite va retourner travailler dans son atelier et va d'après mémoire beaucoup réinterpréter ce meuble-là, donc ce qu'il a vu et s'approprier un langage, je dirais, des codes et une mode également pour la réinterpréter. Donc c'est ce que ça donne. Donc ça c'est fascinant je trouve parce que c'est vraiment intéressant. On est effectivement dans un, on le sait, une société faite à la fois de nations qui étaient là avant la colonie, bien évidemment, et ces savoir-faire des Premières Nations y vont également être appropriés. On le voit, les chaises en babiche, les chaises berçantes notamment, qu'on peut découvrir dans l'exposition. La babiche, c'est un savoir-faire traditionnel des Premières Nations. Hein. Boyaux de cerfs et d'animaux qui sont séchés, etc., et qui vont être tressés pour créer finalement le fond des chaises. C'est un savoir-faire qu'on connaissait, donc que l'on va s'approprier tranquillement et puis développer un mobilier autour. Donc tout ça, c'est intéressant. Donc je pourrais te citer plein d'exemples, effectivement. Je ne sais pas si on aurait le temps de tout voir, bien évidemment que non, mais c'est certain que ces objets, ils ont chacun leur histoire et ils s'inscrivent tous dans un courant, dans effectivement ce savoir-faire. Donc c'est vraiment tout ça qu'on peut voir en salle. Oui, c'est ça. J'en parlais à une de mes émissions antérieures, on parlait de jeux vidéo, puis c'est pas, t'sais, les jeux vidéo, c'est pas des objets qui sont créés nécessairement comme pour exprimer, du moins pas originalement. C'est, maintenant, oui, plus, mais c'est quand même des choses qui sont valables à regarder parce qu'ils peuvent... Même s'ils n'ont pas des choses explicites à dire, ils ont des choses implicites. Puis c'est un peu ça qu'on voit dans l'exposition au MUMAC, c'est que avec comme la, on voit l'implicite de ces objets-là. On comprend un peu l'histoire de la, des cultures qui qu'ils ont produites. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça ce qu'on voulait dire. C'est que tu fais bien de parler des cultures parce que, alors, effectivement, on le voit bien, c'est un mix. Le Québec, on le sait, c'est une société qui s'est aussi fondée sur l'immigration. Alors, évidemment, l'immigration française et ensuite l'immigration britannique, irlandaise, etc. Et chacun de ces vagues et de ces communautés immigrantes est arrivé avec, des aspects religieux, c'est une chose, mais également ce savoir-faire. Et c'est vraiment cette histoire des savoir-faire qu'on va voir évoluer tranquillement avec le temps. Et un exemple, les plâtriers italiens, quand ils arrivent donc au 19e siècle, dans les premières vagues d'immigration, ça, ils arrivent avec une connaissance de la taille de la pierre, de la taille du plâtre également, qui va bouleverser ce qu'on faisait ici à l'époque, parce qu'on était plus habitué à tailler quoi? À tailler du bois. Donc on avait des grandes compétences pour travailler le bois. Bon, on travaille la forge, etc., d'autres métaux, bien sûr, mais le travail du bois, on répondait aux besoins de l'Église qui passait des commandes de grandes sculptures religieuses. Mais ça va bouleverser l'écosystème et on va également apprendre, donc, un atelier comme Carli et Petrucci, par exemple, va former et puis va vraiment avoir une grande, grande influence. Ils vont recevoir ces contrats de l'Église parce que le besoin, c'est effectivement de meubler et d'accompagner les constructions d'Églises. On est en pleine période de conquête du territoire et il faut répondre à ces besoins-là. Quand on parle de ces objets, peut-être des artisans et des échanges culturels, on va dire échange pour certaines choses, parce que on va parler de la conquête. Le Québec parle de la conquête. Le restant du Canada n'utilise pas exactement les mêmes mots, mais on voit qu'il y a une influence britannique qui est arrivée à un certain moment donné. Comme on voit aussi, comme tu l'as mentionné, les plâtriers italiens, mais il y a aussi des gens de l'Europe de l'Est qui sont venus et qui ont comme laissé leur marque sur comme la production de ces objets-là, comme des métiers d'art. Et il y a aussi un changement qui s'est opéré. Ah, vas-y. Non, vas-y, j'allais. Il y a plein d'exemples, effectivement, de plein de communautés. On peut le voir en tissage, en joaillerie. Et c'est ça qui est fascinant, hein. Et puis, après la guerre, donc on peut parler de la conquête. Il y a des grands moments dans l'histoire du Québec, on le sait, mais il y a des grands moments d'immigration. Et l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, les années 50, on va voir débouler tout plein d'immigrants, soit seuls, soit avec une partie de leur famille, mais qui arrivent avec des références culturels qui sont tout autres et qui vont participer à cette révolution tranquille qui est tranquillement en train de se mettre en place et qui vont permettre effectivement aux artisans peut-être qui étaient un peu moins exposés ici parce qu'on voyage moins à l'époque et parce que la guerre a aussi beaucoup coupé. D'abord, on a perdu de la main-d'œuvre, puis également, on a beaucoup moins de produits importés d'Europe. Le commerce a été très affecté. Donc, c'est sûr que c'est arrivé de ces courants-là, alors qu'ils viennent de Hongrie, du Danemark, de Suisse, de France, qu'ils soient joailliers, tisserands, céramistes, mosaïstes, etc. Ça va beaucoup marquer l'histoire de l'histoire de l'art ici et l'histoire des métiers d'art. Et ça, on en parle assez peu finalement. Donc c'est aussi notre rôle à nous de mettre vraiment en valeur ces artisans et ces pratiques-là. Il y a aussi une mutation qu'on voit avec l'arrivée de la modernité, où les objets des métiers d'art sont plus seulement des objets fonctionnels, mais deviennent aussi des objets qui sont expressifs. C'est bien mentionné, on le voit bien dans l'exposition. Oui, tout à fait. C'est certain que un des grands bouleversements, c'est la période industrielle. Il y a une grande rupture au moment à partir de 1850 jusqu'à 1920. Admettons, l'industrialisation va complètement bouleverser la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? On va produire en grande série les objets décoratifs ou les objets utilitaires. Donc ça va, j'allais dire, faire baisser les prix, etc. Donc à ce moment-là, l'artisan, son rôle va évoluer, va être un petit peu différent et certains d'entre eux vont effectivement commencer à développer une pratique plus d'expression. Alors on pourrait dire des arts décoratifs, d'expression, etc. On se dégage un petit peu de cette fonction utilitaire pour certains, mais je dirais qu'à l'heure actuelle, et puis c'est le cas aussi dans les arts visuels, les artistes, certains d'entre eux, pour vivre, ont besoin de faire ce qu'on appellerait plus de l'utilitaire, comme les peintres pouvaient faire certaines peintures en série pour répondre à des commandes et à une certaine demande peut-être plus touristique ou plus, etc. Certains artisans ou artistes vont réaliser des pièces plus utilitaires ou des pièces en petite série et puis qui répondent à des commandes. Ils ont effectivement des collections, des acheteurs. Mais parmi ceux-ci, il y en a qui développent effectivement, qui vont se mettre à développer à partir de ce moment-là une pratique d'expression et du coup travailler et développer vraiment un style de pièces. Alors pour le coup, des pièces uniques ou parfois des petites séries. Donc on est loin de la production en grande série industrielle ou de ce qu'on fait en design qui va être produit en grande série également. Mais donc c'est ça. Donc, ils vont présenter ces pièces-là et c'est aussi, certains d'entre eux, on les connaît aussi pour cette pratique-là. Parfois, on est très proche de ce qu'on, du concept qu'on peut voir dans les arts visuels. Et certains des artistes transgressent très bien, j'allais dire, ces frontières. On est la frontière est très poreuse. Certains artistes se définissent des artistes en art visuel et intègrent les métiers d'art. D'autres se définissent davantage comme artistes de métiers d'art, mais travaillent aussi et œuvrent et sont invités dans le milieu des arts visuels. C'est difficile à définir tout ça. Pour un peu clore l'exposition, puis qu'est-ce que le travail qui a été fait pour représenter des choses qu'on ne parle pas souvent, on l'a mentionné précédemment, l'exposition met de l'avant le travail des femmes. Souvent aussi, c'est un travail qui a été anonyme. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu là-dessus? Oui, vraiment, c'était un des éléments qui nous est paru important à valoriser durant le projet. Il y a plein de choses qu'on aurait pu dire, qu'on n'a pas pu dire, parce que, bon, on reviendra peut-être là-dessus, mais effectivement, on n'a pas grand-chose pour témoigner du travail des Premières Nations, et ça, c'est un des regrets qu'on a. On pourra en reparler une autre fois si tu le désires, mais par rapport au travail des femmes, la transmission du savoir-faire, elle s'est transmise, donc, comment au fil du temps, de père en fils, de mère en fille, de maître à apprenti, mais à un moment donné, donc à partir des années de cette période de conquête du territoire, les communautés, deux éléments, les associations féminines ont joué un grand rôle. Je pense notamment aux cercles de fermières qui existent encore d'ailleurs et qui sont encore présentes à Saint-Laurent. Il y a un cercle de fermières, donc on peut se retrouver et partager. Alors c'est un moment social, mais c'est aussi un moment d'apprentissage et de transmission du savoir. Et à l'époque, quand il fallait conquérir l'Abitibi et se rendre au fond du bois, les cercles de fermières étaient un moment effectivement où on se retrouvait entre femmes et où on pouvait, pendant que eux, les hommes étaient en train de décider de l'avenir de la communauté, hein, les femmes n'étaient pas invitées à l'époque, se transmettait ce savoir-faire. Donc ça, on a voulu le valoriser. On y apprenait quoi? On y apprenait souvent les travaux d'aiguille, la broderie, la couture, donc le tissage, le textile. Et ça aussi, on a voulu le valoriser. L'autre élément, effectivement, qui nous paraît fondamental en ce moment, et il faut en parler, c'est le rôle des communautés religieuses et notamment des communautés de sœurs qui ont joué un rôle très très important dans la transmission du savoir-faire. Elles ont mis sur pied, d'ailleurs Marguerite Bourgeois a été tout de suite une des premières à mettre sur pied donc son école, on le sait sur le plan historique. Et il y a beaucoup d'éléments qui peuvent en témoigner. On a beaucoup de documentation qui peut démontrer ça. Les communautés religieuses ont gardé toutes ces archives. Donc, on a mis sur pied des écoles domestiques pour apprendre aux femmes ces travaux d'aiguille, à broder, à réparer. Hein, évidemment, il fallait pouvoir répondre aux besoins de réparation des pièces de vêtements et puis la création de textiles, les courtes pointes, que ce soit utilitaires ou décoratifs. Dans le cas de la ceinture fléchée, on le sait, c'était à la fois utilitaire pour fermer les manteaux, mais également un élément décoratif. Mais ces communautés religieuses donc sont là pour apprendre à la femme à ce savoir-faire domestique et également à construire son trousseau parce que son rôle dans la société, c'est effectivement de se marier en ensuite, et puis de construire sa famille. Donc, c'est vraiment ces communautés ont eu un rôle très important, et il faut le dire, en ce moment, on parle des communautés religieuses pour d'autres raisons qui sont beaucoup plus tristes, et il faut en parler, c'est nécessaire. Notre rôle à nous, c'est aussi de dire, bon, regardez, il s'est passé des choses intéressantes dans ces communautés en parallèle de tout ça, et elles ont joué un rôle important dans la transmission de ce savoir-faire aux femmes notamment. Oui, c'est ça. C'est un moment assez particulier pour parler de ces communautés-là parce que, justement, on le sait. C'est des choses qu'on savait, t'sais. Avec les écoles résidentielles, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste que là, on a des preuves terribles de ces choses qui se passaient. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr qu'il y a, il y a vraiment une réflexion profonde à avoir sur tout ce qui est arrivé. Et puis le terme génocide culturel, je pense, est assez parlant. Il faut passer par là, c'est certain. C'est pas à moi de prendre la parole pour eux, pour ces communautés-là, c'est certain. Mais simplement, nous, on va pouvoir témoigner effectivement plus tard, quand ce sera venu. Dans quelques mois, en fait, on va pouvoir travailler à mettre en valeur tout ce patrimoine et aider, je pense que c'est ça l'objectif, les Premières Nations qui le souhaitent à davantage valoriser le travail artisanal et le travail artistique. J'ai peu d'objets actuellement en collection, très très peu, qui peuvent témoigner de ça, mais je pense que cet aspect de valorisation des Premières Nations, des communautés Inuit et métis va être très important dans l'avenir. Donc c'est un des défis du milieu des métiers d'art en général, je dirais, de bien comprendre et de bien valoriser le propos. On n'y fait pas exception et j'en suis très très consciente. Oui, on avait parlé quand j'avais fait ma visite au musée qu'il y avait très peu d'objets qui étaient issus des Premières Nations. Il y a comme certaines considérations là-dedans que, en fait, il y a certaines raisons pour lesquelles vous n'avez peu. Je sais pas si tu pourrais revenir là-dessus. Écoute, on présente la collection qu'on a. Hein. Je peux pas m'inventer des objets qu'on n'a pas dans la collection. Donc ça, c'est certain que par rapport aux Premières Nations, on avait très peu d'objets représentatifs. Voilà. L'autre élément, c'est qu'on a été pressé par le temps. Comme je t'expliquais au début, on a eu une subvention. On a déjà changé le projet. Il a fallu modifier. Donc tout ça faisait en sorte que on n'a pas c'est pas en cours de projet que tu développes les liens pour aller créer etc et analyser ta collection. C'était plus le temps de le faire. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va s'assurer que tout ça se fasse, qu'on compte sur moi. C'est vraiment dans les objectifs et je pense que le musée ne fait pas exception. Les liens, les relations, on le sait, entre la société et les communautés Premières Nations ont été très éloignées, très distendues, et le musée n'a pas fait exception. Donc je peux pas non plus en quelques semaines m'inventer des relations de travail et intégrer comme ça des objets ou des collections ou des regards qui sont voilà. Donc c'est pas une excuse. Je crois qu'il va falloir faire tout notre possible pour que les objets issus du travail artisanal des Premières Nations soient aussi représentés dans l'exposition. On s'y engage, c'est vraiment un travail qu'on va faire, mais pour l'instant, en date d'aujourd'hui, on avait très peu d'objets représentatifs de ça. Par contre, effectivement, je pense qu'on en parle de ces savoir-faire qui ont été intégrés au fil du temps, mais je suis très consciente qu'il va falloir qu'on travaille avec les communautés, parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une, et c'est ça qui rend le propos un peu complexe et délicat pour être représentatif. Il y a des musées, néanmoins, j'invite la population que ça intéresse à aller voir effectivement ce qui se fait dans d'autres musées. Et je veux vraiment citer un musée qui, moi, m'a beaucoup marqué l'année dernière durant ma virée sur la côte nord, c'est le musée de Mastoyatch au lac Saint-Jean qui a refait son exposition permanente. Donc, si vous allez dans ce coin cet été, s'il vous plaît, passez par cette communauté parce que c'est un musée issu de la communauté Innu. Donc c'est vraiment eux qui ont mis le propos sur la table et qui ont fait cette sélection. Et cette expo qui est présentée par grande période, donc par saison, on comprend très très bien vraiment les enjeux et c'est vraiment formidable. Donc un gros coup de cœur pour le musée de Mastoyatch là-dessus. Ah ben, envoie-nous toutes les informations que tu peux là-dessus, on va s'assurer de la faire diffuser. Pour amorcer la fin de l'entrevue, j'aimerais parler des buts de l'exposition. Il y a une idée de contact avec la nouvelle génération. Oui, vraiment, Il y avait plusieurs objectifs. Bon, dans l'exposition, j'ai parlé tout à l'heure de la relation au bâtiment, le fait que les artisans étaient aussi au-dessus de nos têtes. Donc ça, c'était un but de l'exposition. Mais on voulait également refléter dans l'exposition les pratiques actuelles. Donc c'est pour ça que ceux qui ont connu le musée des maîtres et artisans avant et qui vont venir voir maintenant ce qui se trouve en salle vont peut-être être un peu étonnés. On a réduit, je dirais, la place du mobilier historique, etc. Parce qu'on avait besoin en salle de donner de la place aussi aux propos contemporains, aux propos modernes et contemporains. Et c'est ça qui est nouveau dans cette expo. On y présente au total pas loin de 350 objets, mais pas loin de 250 artisans de mémoire, artistes et artisans qui ont un propos intéressant. Donc ça, vraiment, c'était un des objectifs. L'autre objectif, c'est qu'on voulait que les métiers d'art se parlent. Ça a été vraiment la vision au moment où on a révisé ce projet et on a dit on veut sortir de la vision initiale qui avait été donc initiée par mon prédécesseur. On voulait sortir des silos, on voulait que la céramique puisse côtoyer le textile, puisse côtoyer la joaillerie et du coup sortir des silos parce que il y a quelques années, ça change un peu actuellement, mais le milieu était assez fractionné en silos qui ne se parlaient pas beaucoup, je dirais. Le milieu des métiers d'art actuel est en train de bouger, c'est en train de changer. On est en train, je participais hier à une conférence organisée par le Conseil des métiers d'art qui fait un bon travail actuellement de liant, hein, j'allais dire, et puis de valorisation. Les choses sont en train de bouger. Mais il y a 2, 3 ans, c'était pas vraiment le cas, je dirais que les choses étaient assez sclérosées et on voulait sortir de ces silos, donc faire en sorte que ces textiles, le cuir, la céramique, etc., puissent côtoyer. Et quand on les met à côté, effectivement, avec ce regard un peu plus historique que nous on a pris, cet axe plus historique, on voit qu'il y a je dirais, il y a des influences qu'on retrouve. Je donne un exemple entre dans les années 60, on fait un lien entre ce qu'on voit dans l'architecture, c'est une chose, le mouvement brutaliste qu'on va pouvoir retrouver également dans les arts intégrés à l'architecture, le vitrail, mais aussi la céramique intégrée, par exemple, par Claude Vermette avec Jean-Paul Mousseau dans les stations du métro que vous allez pouvoir voir et qui sont bien connues, par exemple, des étudiants et puis de la communauté montréalaise. Ces courants-là vont se retrouver dans la tapisserie, par exemple, Mariette Mourou Rousseau-Vermette, c'est flagrant quand on regarde, on voit les influences des automatistes, on va voir l'influence du surréalisme, on va voir, et dans la joaillerie par exemple, et ça c'est intéressant de voir ces influences-là, des artistes, notamment comme Hans Gehrig, Walter Schlup, sont des artistes qui sont des artistes modernes et de leur époque. Donc c'est vraiment tout ça qu'on essaye de rendre et de faire ces analogies à la fois historiques, mais également qui nous permettent de sortir de ces silos et de faire des liens donc entre, j'allais dire, ces disciplines, puisque ça en est, hein, et ces écoles-ateliers aussi également qui sont actuellement des lieux de formation collégiale et qui relèvent à Montréal, par exemple, du Cégep du Vieux-Montréal, l'école du cuir, l'école de céramique Bon Secours, Espace Vert, le Centre de textile contemporain de Montréal, le Centre d'impression textile, qui sont des lieux de formation où une trentaine d'étudiants en moyenne vont sortir de ces lieux-là par an, sont des lieux et qu'on voulait connecter également. Alors les gens dans le milieu se connaissent un peu, mais on aimerait que le public comprenne et puisse être fier de ces jeunes qui sortent de ces lieux-là et que les artistes les plus reconnus qui sont issus aussi de ces formations et qui, eux, fonctionnent dans le milieu et sont reconnus par leur pair et à l'international. Quelqu'un comme, par exemple, Laurent Krast, qui est un artiste d'origine française, il fonctionne très très bien. Il est recherché par les plus grands collectionneurs. Il est collectionné dans les plus grands musées du monde. On en parle très très peu. Donc, c'est notre rôle aussi à nous de les valoriser. C'est ce qu'on a essayé de faire avec cette expo. Et puis, quand on faisait la visite, tu avais mentionné que tu aimerais ça que l'exposition ait une fonction didactique. que les jeunes puissent venir puis en apprendre un peu sur les origines de ce qu'on a ici présentement au Québec. T'sais. Oui, bien sûr, un des rôles fondamentaux des musées, je pense, je suis pas évidemment pas la première à le dire, on est un lieu d'expérience, mais on est également un lieu, je pense, d'éducation, d'apprentissage. Alors, il faut que cet apprentissage soit agréable et pas trop lourd. En Europe, des fois, c'est un peu plus intellectuel. Ici, ça passe souvent par des choses plus ludiques ou plus qui font appel à nos différents sens. L'exposition, un de mes souhaits, c'est qu'effectivement, elle serve de table, j'allais dire, à l'histoire de l'art du Québec. Donc, les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'art québécois, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'ils viennent voir en salle, qu'ils appréhendent et qu'ils puissent développer et soutenir un propos autour de ces artistes. Notre rôle, nous, ça va être de valoriser cette recherche, de la soutenir également. Si vous vous intéressez à l'histoire du bijou, à l'histoire du vitrail, à l'histoire de la céramique, venez nous voir, présentez-nous des projets. Ça va nous faire plaisir de travailler avec vous pour soutenir le propos, voire trouver peut-être des enseignants de votre côté qui vont être amenés à soutenir ce propos-là. Mais il y a clairement des liens à faire avec l'histoire des arts visuels. On le sait, les plus grands artistes québécois, notamment dans les années 60, que ce soit Pellan, Ferron, Mousseau, se sont intéressés et ont été notamment des artistes pluridisciplinaires. Ils ont touché à tout, au textile, à la céramique, etc., etc. Et ces pratiques-là, on ne les connaît pas beaucoup. Donc, si vous voulez aller plus loin, pensez à nous. Venez d'abord nous voir en salle et ensuite, écoutez, présentez-nous un propos. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des gens qui viennent se plonger dans la collection. Donc, on a aussi une réserve qui est là et qui peut servir à la disposition des chercheurs, des universitaires. Venez voir ce que nous avons comme archives, comme objets. Et parce que je le rappelle, hein, 350 objets en salle, c'est une toute petite partie de notre collection qui compte à peu près pas loin de 14 000 objets. Donc, vous voyez dans notre réserve, et cette réserve-là qui a été construite en 2013, elle a été primée par l'Association des musées canadiens, la Société des musées du Québec. On a reçu beaucoup de prix. C'est une réserve, j'allais dire, presque idéale. On est très chanceux. Elle a été construite pour répondre aux besoins de cette collection. Donc, venez nous voir. Notre équipe, elle n'est pas nombreuse, mais on va trouver vraiment le temps pour soutenir vos objectifs aussi de travail, de recherche, l'histoire de l'art, de l'histoire du patrimoine, etc. Et ça va vraiment nous faire plaisir. On va faire tout ce qu'on peut pour que ce propos-là puisse se diffuser. C'est vraiment mon objectif et l'ambition de cette expo. Alors écoutez, on vous attend en salle. Merci de cette invitation, ça me fait plaisir et vraiment je souhaite sincèrement que les jeunes et les étudiants, les jeunes et les moins jeunes, on le sait, hein, puissent s'intéresser à ce propos. Alors on est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. N'hésitez pas à venir, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux et ou à aller voir nos actualités sur notre site web. Ça va nous faire plaisir et puis je le rappelle, le musée est également gratuit pour les étudiants du Cégep de Saint-Laurent et les enseignants du Cégep de Saint-Laurent. Donc, à très bientôt et puis merci de cette belle invitation. Eh bien, on souhaite que l'exposition ait beaucoup de succès. Merci beaucoup, Gabriel. Ben, merci beaucoup à toi, Perrette. Ça fait un plaisir.